La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. La tête. Tête. Oh. Oh. Tête, tête, tête, tête. Carré. Les mensonges, les rumeurs et les fake news se portent à merveille, pas un jour sans que les fausses informations ne se répandent avec succès dans les tuyaux de la communication, et de nombreuses études montrent d'ailleurs que les idées les plus farfelues ou les théories du complot s'imposent avec beaucoup plus d'efficacité dans la sphère publique, comme si notre cerveau avait une tendance naturelle à tomber dans les pièges justement qui lui sont présentés. Quelles sont les failles mentales qui nous rendent vulnérables aux erreurs de raisonnement? C'est ce que nous allons voir avec mes invités, avec cette période qui est particulièrement propice à l'exercice de l'esprit critique. On en parle justement dans un instant. Le sociologue Gérald Brunner et le chercheur en sciences cognitives Nicolas Gauvry sont mes invités. Et j'attends bien sûr vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. Une étude dans un instant qui va changer la vision que nous avons des virus à la une de la science. Et oui, des chercheurs français ont découvert un tout nouveau mécanisme d'infection chez un virus de plante. On en discute avec un des auteurs dans un instant. Fanny Boyon est aux commandes de l'émission préparée par Lucie Sarfati. La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Villard sur France Inter. Allez, on va essayer d'aiguiser ensemble notre esprit critique avec mes invités Gérald Brunner et Nicolas Gauvry. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue Gérald Brunner. L'esprit critique et son éducation en particulier, ça c'est un enjeu extrêmement important aujourd'hui pour nos sociétés. Est-ce que nous sommes aujourd'hui confrontés à une épidémie de crédulité ? Oui, je le crois. Cette épidémie de crédulité, vous en avez rappelé quelques symptômes là dans votre introduction, fort bien. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, qui est une question à la fois essentiellement politique et en même temps profondément démocratique, c'est de savoir comment on peut réguler ce marché de l'information qui est devenu fou, sans atteindre aux libertés personnelles, à la liberté d'expression par exemple. Et nous sommes plusieurs à penser qu'une des meilleures façons, c'est la régulation individuelle. Parce que dans le fond, comme chacun peut proposer une information sur ce marché de l'information, nous sommes aussi des régulateurs. Donc nous laissons ou pas passer des rumeurs, nous laissons ou pas passer des infox, nous repartageons, etc. Donc la meilleure régulation et la moins liberticide, c'est la régulation individuelle. Mais à condition évidemment qu'elle soit informée par une pensée analytique, le développement de la pensée critique. Ouais. Est-ce que nos sociétés ont déjà été confrontées à une période avec une avalanche aussi importante justement de fausses informations circulant dans la sphère publique ? Bon, c'est pas la première fois que les croyances gouvernent la vie des hommes, évidemment. Songeons au grand système religieux par exemple, et de ce point de vue nos sociétés ont fait beaucoup de progrès. Ainsi, je crois pas qu'il y ait encore des gens dans notre société qui croient que l'univers est la conséquence d'une bataille entre deux serpents gigantesques, par exemple comme on le raconte dans le Enuma Elish babylonien. Ouais, enfin, certains croient que la Terre est plate encore, on en voilà. trouve. Hein. Et alors, à contrario, les platistes sont là. Voilà. Les platistes ont tenu leur grand congrès international il y a quelques mois aux États-Unis, avec des centaines de personnes présentes. Et en effet, ce n'est plus tant un grand système de représentation qui préside à la vie des hommes qu'un amoncellement, en effet, de curieuses idées, et dont certaines, il faut quand même le rappeler, parce que certaines nous font rire comme les platistes, mais certaines ont des conséquences tout à fait dramatiques. On pense à la radicalisation politique ou religieuse, on pense aux anti-vaccins, il y a toute une série de croyances qui ont un impact et sur l'environnement dans certains cas, et sur la santé publique dans d'autres. Nicolas Gauvry, notre cerveau ne nous aide pas beaucoup finalement dans toute cette histoire pour nous aider à faire face aux fausses informations. Ben, il a des failles, et des failles qui peuvent être utilisées, dans lesquelles on peut tomber soi-même, et dans lesquelles on peut nous pousser aussi. Qu'est-ce qui se passe alors exactement pour que, un peu spontanément d'ailleurs, on soit plus tenté d'aller vers des croyances ou des fake news ? Alors je me demande si véritablement le fait qu'une fake news soit une fake news nous rend plus susceptibles d'y adhérer, ou si c'est pas simplement le fait que si on s'en tient à la réalité, on est un peu contraint. Voilà, et la réalité, c'est la réalité. Alors que dans les rumeurs, on peut inventer ce qu'on veut, et donc en particulier, on peut inventer des choses qui plaisent au cerveau humain. Et puis donc y a beaucoup plus de liberté, de choix, d'invention. Et puis ça fait un grand marché dérégulé, comme dit Gérald, où on va piocher ensuite certaines rumeurs qui sont particulièrement propices à être partagées. Mais je pense que le filtre vient après, en fait. À mon avis, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, et celles qu'on voit beaucoup, c'est celles qui fonctionnent. On va étudier tous ces mécanismes, en tout cas les principaux biais justement avec vous, parce que c'est absolument passionnant. La science a plein de choses d'ailleurs à nous dire sur la question. Et puis bien sûr, vous répondrez aux messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr. À tout de suite. Et nous n'avons pas décidément tout compris du fonctionnement des virus, Axel. Hein, c'est aujourd'hui le sujet à la une de la science. Oui, c'est un dogme de la virologie qui vient de tomber grâce à une équipe française qui s'est intéressée à un virus de plante, le virus de la nécrose nanissante de la fève, c'est son nom traduit, qui a une méthode d'infection tout à fait nouvelle. Il répartit son ADN en 8 morceaux dans les cellules de l'hôte et n'a ensuite plus besoin d'être rassemblé pour prospérer, se répliquer. C'est la première fois que ce genre de mécanisme est décrit en virologie, et pour comprendre pourquoi il chamboule un peu tout le domaine, nous sommes en direct depuis France Bleu Hérault à Montpellier avec un des auteurs de ces travaux. Bonjour Stéphane Blanc. Bonjour. Vous êtes virologiste pour l'INRA et vous co-signez ce travail dans la revue eLife avec Yanis Mikalakis du CNRS. Alors avant de nous parler de ce virus en particulier que vous avez étudié, expliquez-nous quelle était la vision que nous avions des virus en général et que vos travaux viennent de chambouler. Alors, première chose, je voudrais insister sur le fait que quand on dit chamboulé, ça ne veut pas dire que notre découverte annule toutes les connaissances qu'il y avait avant, ou en tout cas le dogme qu'il y avait avant. Il est certainement valide encore pour beaucoup de virus. Oui. Le concept qu'on propose, c'est un concept additionnel qu'il faut intégrer maintenant dans le cadre conceptuel en virologie. Alors quel était ce dogme ? Donc le dogme, la vision classique canonique des virus, c'était qu'un virus, c'est une information génétique qui est contenue dans une boîte, qui la protège, et l'information génétique est transférée en totalité dans une cellule, et l'unité spatiale du cycle de réplication d'un virus, c'est la cellule. C'est-à-dire, le virus se réplique dans la cellule, il fait de nouveaux virus descendants, identiques à lui-même, et ces virus-là vont sortir de la cellule, infecter la cellule voisine, et recommencer le même cycle. C'est-à-dire, l'unité du cycle viral, c'était la cellule. Oui, l'idée importante, c'était que tout l'ADN du virus devait se trouver dans une cellule pour être répliqué et continuer l'infection, c'est ça ? La totalité des gènes, la totalité du génome du virus devait être dans une cellule pour se répliquer. Oui. Alors, ce virus de la fève, on le connaissait, hein, c'est un virus qui était en plusieurs parties, on le savait déjà avant vos travaux, mais justement, on ne comprenait pas bien pourquoi il était capable de se couper en morceaux. Alors les virus en plusieurs morceaux, donc on a, où chaque morceau est encapsidé dans une particule virale différente, d'accord ? On appelle ça des virus multipartites. Mm. Ils sont très nombreux chez les plantes, donc c'est des centaines d'espèces. Nous, on travaille sur une espèce modèle. Oui. Et les virus multipartites ont été découverts dans la fin des années 30. Donc ils sont connus depuis très longtemps. Comment est-ce que vous avez fait pour suivre l'activité du virus et de ses morceaux dans les différentes cellules de la plante ? Alors, on a voulu essayer de localiser les différents morceaux du virus dans la plante, puisque la vision classique avait l'air d'indiquer qu'il fallait que tous ces morceaux soient ensemble dans chaque cellule individuelle. Mmh. Et les études théoriques indiquent qu'il y a peu de chances que ça arrive et que donc l'infection ne devrait pas fonctionner pour ces virus. Or, elle fonctionne. Donc, on est allé vérifier si, effectivement, tous les morceaux devaient être ensemble. Et pour ça, on a utilisé des sondes, donc des petits de séquences d'ADN qui sont exactement complémentaires de la séquence virale et qui donc vont se coller dessus. Et on peut faire des sondes pour chacun des morceaux. Mmh. Et on peut marquer chaque sonde avec des molécules fluorescentes de différentes couleurs. Et donc, on peut faire briller différents morceaux de différentes couleurs. Quand vous dites que, normalement, selon la théorie, le virus ne devrait pas fonctionner, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ça veut dire que il y a eu beaucoup d'études théoriques sur ces systèmes multipartites, donc ces virus en plusieurs morceaux. Et la probabilité de perdre un des morceaux quand le virus passe d'une cellule à une autre ou d'un autre à une autre est tellement grande que les modèles mathématiques semblent indiquer que ce genre de virus n'aurait pas dû évoluer. D'accord. Ça n'est pas possible. Et donc, la réelle nouveauté dans vos travaux, c'est que vous montrez que tous les morceaux répartis dans les différentes cellules sont capables, selon un signal, de se répliquer indépendamment du fait d'être rassemblés ou pas. C'est ça qui est important. Bon. Voilà, donc en fait, ce qui paraissait impossible, c'est-à-dire que le virus doit rassembler tous les morceaux dans chaque cellule individuelle, en fait, le virus ne le fait pas. Est-ce qu'on peut imaginer que des virus comme ça, pardon, je vous ai coupé à cause du petit délai, existent en dehors de la sphère des plantes, chez des animaux ou chez des humains, par exemple ? Alors, il n'y a pas de virus purement multipartite décrit. Par contre, il existe beaucoup de virus qui ont un génome segmenté aussi chez les animaux. Et la vision a longtemps été que chacun de ces morceaux était enfermé dans une même boîte. Mmh. Donc, les morceaux n'étaient pas dispersés. Mais il y a des études récentes, notamment d'une équipe américaine, qui montrent que chez la grippe, par exemple, ça ne marche pas si bien que ça. Et il y a beaucoup de particules virales à qui il manque certains morceaux d'informations génétiques. Donc, si on veut la totalité de l'information génétique pour la grippe aussi, il faut prendre un ensemble de particules virales, tout comme chez les virus multipartites. Donc, les virus multipartites, à proprement parler, n'ont pas été décrits chez les animaux, mais il y a certains virus qui peuvent être ce qu'on appelle des systèmes viraux multicomposants, et donc qui sont aussi, quelque part, en plusieurs morceaux, c'est-à-dire ils répartissent l'information génétique dans différentes particules virales. Stéphane Blanc, ce qu'il faut comprendre de ce travail, c'est finalement une découverte autour d'une nouvelle façon d'infecter un hôte, c'est ça ? Oui. En fait, cette nouvelle façon d'infecter l'hôte est basée sur les communications intercellulaires qui sont capables, visiblement, d'échanger de manière efficace des produits de gènes. Donc, dans notre cas, c'est les produits des gènes viraux qui sont redistribués dans les différentes cellules et qui permettent à un morceau du virus qui serait tout seul dans une cellule de quand même profiter des produits des gènes qui sont dans les autres cellules, parce que ces produits des gènes se promènent et se redistribuent dans les cellules. Mais bravo, là donc, vous venez tout nous résumer. Oui. Ouais. Et Stéphane Blanc, pour terminer, est-ce qu'une des parties de ce virus est plus importante, coordonne et le chef de troupe, est-ce qu'on peut le dire comme ça ? Je sais pas, parce que il y a beaucoup de parties aussi importantes les unes que les autres. Il y a celui qui réplique tous les autres, mais il y a celui qui fait bouger tous les autres, et il y a celui qui protège tous les autres. Donc c'est vraiment un système où chaque composant complémente les autres composants. On n'a vraiment pas tout compris. Voilà, un vrai boulot d'équipe, en tout cas, autour de cette façon d'infecter. Merci beaucoup, Stéphane Blanc. Vous êtes virologiste à l'INRA et vous co-signez donc ces travaux avec Yanis Mikalakis du CNRS. Merci, Axel. À demain. À demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, si vous rêvez d'envoyer votre voix sur Mars, eh bien, vous avez jusqu'au 20 avril pour tenter votre chance à l'occasion d'une préparation de la mission ExoMars 2020. L'Agence spatiale européenne propose à tous les citoyens de la planète Terre d'envoyer 30 secondes de son sur la planète rouge, justement avec sa mission. Sur les 30 extraits sélectionnés, un seul sera renvoyé vers la Terre pour tester un instrument scientifique. Vous pouvez enregistrer n'importe quoi, de la musique, des messages ou des sons, de préférence des messages originaux et ceux qui porteront un message valable pour le monde actuel et pour l'humanité, expliquent les organisateurs. Le Canada se réchauffe plus vite que le reste du monde. Selon un rapport gouvernemental, les températures annuelles moyennes ont augmenté dans le pays d'1,7 degré depuis 1948, soit près de deux fois la hausse mondiale moyenne de 0,8 degré. Le climat continuera d'ailleurs de se réchauffer dans l'avenir, sous l'influence humaine, disent les chercheurs. Ce réchauffement pourrait atteindre plus de 6 degrés d'ici la fin du siècle. Fonte des glaces, hausse du niveau de la mer, inondations, sécheresses, vagues de chaleur et feux de forêt plus fréquents sont à prévoir. Et puis pour terminer, je vous présente Minimum, Miniskull et Miniature. Ce sont les noms officiels de trois nouvelles grenouilles découvertes à Madagascar et qui sont, comme vous l'aurez deviné, très petites. La plus petite d'entre elles, Minimum, a une taille qui varie entre 8 mm et 11 mm. Elle est aujourd'hui le plus petit vertébré connu sur Terre. La plus grande, Miniature, mesure 14 mm et vous pourriez sans difficulté en mettre deux rien que sur votre ongle. Leur taille explique la découverte tardive de ce groupe d'amphibiens. Les scientifiques confessent avoir passé des heures et des heures à les chercher dans la forêt. Allez, on va aiguiser notre esprit critique dans un instant avec mes invités. C'est le dossier de la tête au carré. Aloha, et c'était The Black Keys. La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter. Voilà, l'esprit critique, c'est le thème donc de l'émission cet après-midi, alors que notre monde se noie dans un déluge de fausses informations travaillées. Donc notre esprit critique fait figure d'urgence pour nos sociétés rivées, en particulier sur les réseaux sociaux. Nicolas Gauvry, vous êtes chercheur en sciences cognitives et en psychologie au laboratoire Schartz, cognition humaine et artificielle. C'est à l'école pratique des hautes études et à Paris 8. Et vous publiez au PUF des têtes bien faites, défense de l'esprit critique. C'est un ouvrage collectif qui est sorti en janvier. On va le présenter avec vous dans un instant. Gérald Brunner, vous êtes sociologue, professeur de sociologie à Paris Diderot, et de votre côté, vous publiez Déchéance de rationalité aux éditions Grasset. Les auditeurs nous rejoignent donc avec, bien sûr, les messages et les questions sur franceinter.fr. Peut-être qu'il faut expliquer d'ailleurs, Gérald Brunner, aux auditeurs d'abord dans quel contexte vous avez été amené à décortiquer les biais cognitifs et à travailler donc sur l'esprit critique dans cet ouvrage. Alors bon, c'est d'abord une préoccupation très longue, parce que je m'intéresse aux croyances, et j'ai vu assez vite que finalement les biais cognitif servait un peu de camouflage aux croyances, ce qui nous permet comme ça de baisser notre vigilance. Alors dans le cadre précis de cet ouvrage, je reviens sur cette épidémie de crédulité, mais en ayant un focus un peu particulier sur ce que j'ai appelé les patients zéro, en quelque sorte, cette épidémie, c'est-à-dire des jeunes dont on a dit qu'ils étaient radicalisés et avec lesquels j'ai pu travailler pendant des mois dans le centre de Pontourny, mal nommé centre de déradicalisation. En Indre-et-Loire. Absolument. Et donc j'ai pu voir avec eux leur représentation du hasard, par exemple, le fait que on peut croire par désir, et toute une série de choses que j'expose dans le livre sous la forme d'un récit cette fois, c'est-à-dire quelque chose d'un peu plus personnel que d'habitude. Ouais. Combien de temps vous êtes resté avec eux justement? Ça a été assez court finalement comme période. Oui, c'était moins d'une année, puisque le centre, je l'explique dans le livre, a fermé prématurément pour toute une série de raisons, entre autres politiques. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez fait exactement? Donc vous avez analysé avec eux les mécanismes qui distordent notre raisonnement, c'est un peu ça? Voilà, ce que j'ai fait avec eux, c'est ce que d'ailleurs je proposerais de faire pour tout le monde, pour tout à chacun, je pense. Que simplement j'ai focalisé mon attention avec eux sur les éléments qui conduisent à des formes de radicalité religieuse. Par exemple, vous savez, quand vous êtes en train de vous radicaliser, il y a beaucoup de témoignages qui montrent que vous avez l'impression que l'univers fait sens, que Dieu vous envoie des signes sans cesse, et donc ce qui relève simplement d'une coïncidence, vous l'interprétez comme un signe. Donc un des travaux que j'ai essayé de faire avec eux, c'est de les réconcilier, non pas avec le hasard, parce qu'ils étaient peut-être pas moins aptes que moi à concevoir le hasard, mais avec le récit du hasard, c'est-à-dire avec l'idée que quelquefois, une explication fondée simplement sur une coïncidence est plus satisfaisante intellectuellement qu'une explication fondée sur l'existence d'une entité supérieure. Oui, mais alors le hasard, c'est presque une explication évolutionniste des choses aussi, finalement, non? Alors oui, alors d'abord, notre incapacité à concevoir rationnellement certains phénomènes aléatoires est profondément enfouie, en fait, dans notre nature humaine. D'autres éléments sont peut-être simplement le fait de notre fréquentation de ces phénomènes et détournent un peu l'usage de notre raison. Mais ce qui est sûr, c'est que cette incapacité à bien concevoir les phénomènes aléatoires est, disons, l'alliée la plus certaine d'un certain nombre de croyances, que ce soit l'astrologie, la voyance ou même certains propos religieux. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça a donné, ce travail justement avec ces jeunes gens? Est-ce que ça a été efficace ou pas? Comment se sont passés vos échanges avec eux? Eh bien, très honnêtement, comme j'essaie de l'expliquer tous les instants. Oui, un peu, quoique ces jeunes gens, il faut le dire, étaient très sympathiques à mon égard et réclamaient que je vienne plus souvent. C'est un peu paradoxal, puisque certains d'entre eux prétendaient perdre le sommeil à cause de mes interventions, c'est ce qu'ils disaient aux éducateurs, et en même temps, ils souhaitaient que je vienne plus souvent. Donc, vous voyez, c'est tout le paradoxe. Eh bien, donc avec ces jeunes gens, donc on a travaillé un certain nombre de mois, et disons que le résultat, c'est, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas pu l'évaluer scientifiquement. Nous avions l'intention de faire un pré-test et puis ensuite un post-test pour voir si vraiment il y avait des choses qui avaient bougé, mais attendu que les gens ont été recrutés sur le volontariat et que quand on est volontaire, on peut arrêter l'expérience quand on veut, c'est-à-dire qu'on peut sortir du centre, et c'est exactement ce qui s'est passé pour certains d'entre eux. Pour d'autres, ils ont été rattrapés par la justice, tout simplement, eh bien, on n'a pas pu évaluer. Ce que je dirais simplement, C'est pour ça que j'ai fait un récit. Il y a quand même une observation que vous avez pu voilà, ce que je dirais, c'est que, et je montre les différents témoignages dans le livre, il s'est passé quelque chose de très profond pour certains d'entre eux, et en tout cas, en termes de réconciliation avec le récit du hasard, et en termes aussi de prise de conscience que le désir peut parfois contaminer notre croire, oui, je crois que j'ai pu observer des résultats très encourageants. Ouais. Nicolas Gauvrit, alors, on va présenter votre ouvrage hein, « Des têtes bien faites, défense de l'esprit critique au PUF » avec Sylvain Delouvet, parce qu'il y a tout un travail aussi collectif qui est très intéressant. Racontez-nous justement ce qui est à la genèse là, de cet ouvrage. Eh ben, un peu la même chose que Gérald. Et justement, les centres là, on participait à cette étude qui devait donc voir l'évolution. Et puis, on a pu faire un tout petit bout du pré-test. Mm-hmm. Et ça s'est arrêté là, parce que tout a capoté. Mais donc, c'est un petit peu mon approche, disons, c'était de faire du méta-esprit critique. Donc, j'applique l'esprit critique à l'éducation à l'esprit critique. Et je me dis que, comme Gérald, par exemple, avoue lui-même, quand on fait un cours d'esprit critique, on peut avoir des impressions, on peut penser que c'est bien parce que les étudiants sont contents, par exemple. Ce qui n'est pas une preuve que ça fonctionne. Mais si on ne veut pas s'arrêter là parce qu'on a de l'esprit critique, on se dit il faut des éléments objectifs oui. pour dire si oui ou non ça marche. Mmh. Donc c'est parti de là un peu le livre. Un petit peu plus loin que ça, on s'est réunis avec plusieurs collègues, dont Gérald et Sylvain Delouvet, qui co-dirige l'ouvrage. Et on s'est dit il faudrait appliquer l'esprit critique à son éducation, vérifier que ça fonctionne. Et on a lancé un grand projet de recherche qui vise à faire ça. Donc nous, on n'est pas là pour inventer de nouvelles méthodes, vraiment, parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui le font. Mais on est là pour dire qu'il faudrait pas s'arrêter à l'invention des méthodes et puis à leur application. Il faudrait voir si effectivement ça marche d'une manière un peu objective. Et donc ce livre qui marquait un peu le début de ce projet, on a voulu justement qu'il soit très large pour montrer à la fois que nous on a des choses à apporter comme chercheurs, parce qu'on va essayer de développer des outils pour pouvoir vraiment évaluer scientifiquement ce qui se fait. Mais en même temps, on se repose sur des intuitions de gens que nous, on n'aurait pas, parce que c'est des gens qui sont, par exemple, au contact d'élèves qu'on connaît pas bien. Il y a un chapitre de Rosemary Farinella qui travaille avec des élèves du primaire. On les connaît pas bien, on ne sait pas construire un cours d'esprit critique pour eux. Mmh. Elle est capable de le faire. Et donc on se repose un peu sur ses intuitions et on espère que ça marche, on va le tester. Ouais. Et on voulait avoir ces deux regards un peu. On va entendre sa voix justement, hein, puisqu'elle s'occupe d'élèves de CM2 par exemple, avec une démarche réellement pour expliquer à ces jeunes enfants hein, comment on peut justement déceler les pièges dans les images par exemple ou dans les informations. C'est extrait d'un reportage. La personne qui a fait ça, elle a fait ça comment ? Une fois par semaine, ces élèves de CM2 observent, analysent scrupuleusement les images et apprennent à les décrypter. Bon, en cherchant sur internet, en faisant un photomontage. On apprend à repérer l'information et croiser les sources dès l'âge de 10 ans. C'est important de leur donner des compétences et des connaissances avant qu'ils n'entrent dans l'adolescence, avant qu'ils n'entrent dans cet âge vulnérable où ils risquent de se faire manipuler. Et puis aussi pour faire barrage aux idées racistes, xénophobes, complotistes qui circulent sur le web. À partir de cas concrets, les écoliers apprennent à traquer les fausses informations. Donc il faut aller vérifier sur plusieurs sites. Il faut vérifier sur plusieurs sites. On découvre aussi des outils pour enquêter et être capable de distinguer un faux et un tox. Comment fait-on pour retrouver l'histoire d'une photo? Les enfants se prennent au jeu. Tu vas aller sur Google Images. Bah, par exemple, je savais pas que sur Wikipédia, tout le monde pouvait rajouter un petit truc. On doit savoir d'où vient l'information ou par qui elle a été publiée. Depuis 4 ans, ce programme d'éducation aux médias donne des clés aux enfants pour développer leur esprit critique et en faire des cybercitoyens éclairés. Voilà, ça commence tôt, hein, Nicolas Gauvrit, donc en CM2 à Taninge, là, c'est en Haute-Savoie, dans la classe de Rosemary Farinella. Évidemment, plus tôt on s'y prend et mieux c'est pour la suite. Hein. Ah, ben, probablement, oui. Mais ça, c'est quelque chose qui est observé déjà, sur la façon dont fonctionnent déjà les enfants dans leur rapport, tout simplement, aux outils et aux réseaux sociaux. Ben, chez les plus jeunes, il y a souvent une sorte de confusion. Alors, par exemple, il y a des études sur la manière dont ils perçoivent les publicités. Ils ont beaucoup de mal à faire la distinction entre une information et une publicité. Ce qu'on a moins de mal à faire plus tard, bien que les publicités nous influencent quand même malgré nous. Mais donc ça résout pas complètement le problème. Mais au moins, on a conscience qu'il y a une différence de niveau. Et les plus jeunes n'ont pas cette conscience-là. Ouais. Gérald Brunner, stimuler la pensée analytique, donc on peut commencer très très tôt. Bon, à mon avis, en tout cas là je le dis un peu intuitivement, le plus tôt possible, ouais. C'est peut-être le militant rationaliste en moi qui parle, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'études qui convergent pour dire que les premières années de socialisation et d'apprentissage sont quand même assez fondamentales. Mmh. Donc il n'y a pas de raison que le développement de l'esprit critique fasse exception à cette règle un peu observée partout. Mmh. Il y a des travaux justement qui vont suivre ces différentes classes par exemple, pour voir un petit peu comment ces enfants évoluent sur le temps. Oui, ça c'est prévu. Alors il y a déjà eu des travaux dans d'autres pays. En France, ça s'est pas encore fait, donc on va le faire sur des programmes particuliers. Par exemple, quelque chose qui a été pas mal testé quand même, c'est les programmes d'ateliers philosophiques pour enfants, mmh. où on simplement leur apprend à argumenter, à réfléchir sur la différence entre un fait et une opinion, par exemple, des choses comme ça. Et ça donne des résultats qui ont l'air positifs. Ouais. Et on va essayer de répliquer ça aussi en France. Oui. Ouais. Alors, beaucoup essayaient quand même aujourd'hui, Gérald Bonner, de mener cette lutte hein, quand même pour précisément l'esprit critique contre les interprétations simplistes. Il y a des associations aussi scientifiques d'ailleurs qui se mobilisent en ce sens. Bon, oui, la main à la pâte, par exemple, fait partie de ces associations. Elle a vraiment beaucoup d'expérience. Hein. C'est une association qui fait un travail remarquable. Mais alors, justement, ce que l'on voudrait, et c'est un peu d'ailleurs, on avait co-signé une tribune dans Le Monde, n'est-ce pas, Nicolas, avec Sébastien Dieguez et d'autres chercheurs ouais. avec qui on travaille, pour rappeler, à propos de la théorie du complot, de mettre un peu de science dans tout cela, parce qu'il y a des initiatives absolument formidables, c'est vrai, mais Nicolas Gauvry l'a bien rappelé, qui ne sont pas vraiment testées. Et quelquefois, en voulant faire très bien, on produit des catastrophes, ce qui n'est pas sûr en l'occurrence, mais il faudrait quand même tester cela. Puis il y a une autre idée, je crois, qui est importante, c'est en deçà de l'éducation aux médias, comment utiliser Internet, se méfier de la source. Je pense que, et je l'ai dit plusieurs fois, il faudrait réfléchir à une révolution pédagogique beaucoup plus profonde, c'est-à-dire aider les jeunes esprits à comprendre le fonctionnement de leur propre cerveau, surtout quand ils s'égarent, parce qu'il a été bien dit que c'est un outil formidable mais qui peut nous tromper assez systématiquement. Et là aussi, je pense que la science est en ordre de marche pour faire des propositions qu'il faudrait tester de façon aussi rigoureuse que les autres propositions, bien sûr. Nicolas Gauvry, donc les neurosciences au premier plan dans la science justement de l'esprit critique. Je ne classerai pas dans neurosciences, mais je suis parfaitement d'accord avec Gérald sur l'importance d'apprendre à comprendre son propre fonctionnement. On appelle plutôt ça de métacognition, disons, comprendre son propre fonctionnement. C'est très utile pour l'esprit critique et c'est très utile aussi pour d'autres choses, par exemple pour apprendre à apprendre à l'école, savoir comment fonctionne la mémoire, donc vraiment pour des choses un peu différentes. Ça peut aider aussi dans les apprentissages. Ouais. On va y revenir dans un instant. Beaucoup de messages des auditeurs. Valérie nous dit « Curieux que pour vous, les fake news ne concernent que les réseaux sociaux. » C'est à moi que ça s'adresse, hein, probablement. « Les fake news des médias officiels et ceux du pouvoir ne vous effleurent-ils pas ?» nous dit-elle, Gérald Bronner. Alors, elle a parfaitement raison. Elle a parfaitement raison, bien entendu. Les réseaux sociaux constituent une caisse de résonance tout à fait terrible à ces histoires d'infox. Mais il n'y a pas que sur les réseaux sociaux. Les médias au plus haut sommet du pouvoir, conventionnels, au plus haut sommet du pouvoir, on l'a vu très, très récemment. Il faut évidemment condamner ces initiatives ou ces errements de la pensée de la même façon, bien sûr, bien sûr. Allez, on se retrouve dans un instant. Beaucoup de messages pour parler esprit critique avec vous sur franceinter.fr. Le lit était muet pourtant, à peine froissé les draps blancs, et j'avais oublié que tu m'aimais autant. Pas de signe d'emportement, ni de regard au firmament, oui, j'avais oublié que tu m'aimais. Dans l'enclos ouvert à tout vent, j'avais laissé filer quelque chose d'évident. C'était perdu dans les fossés, égaré dans l'herbe des champs. Oui, j'avais oublié que tu m'aimais autant. Oui, j'avais oublié. Thank you. oublier que tu m'aimais autant. Oui, j'avais oublié. J'avais oublié que tu m'aimais autant, Dominique A. La tête au carré. Notre société a besoin de produire, de manier, de consommer des symboles. Mais étant donné tout de même l'état général d'aliénation politique dans laquelle nous nous trouvons, il faut apprendre aux gens à lire les images et à voir eux-mêmes les symboles que ces images véhiculent. Ça veut dire précisément, d'une part, apprendre aux jeunes élèves, aux jeunes adolescents, à recevoir et à accepter tout à fait librement la polysémie de l'image. Il faut qu'ils apprennent à accepter qu'une image peut vouloir dire beaucoup de choses à la fois. Une fois qu'on a accepté cette polysémie de l'image, il faut aussi apprendre en quelque sorte à lire cette polysémie, à ne pas la subir d'une façon inactive, passive et en quelque sorte magique, ne pas se laisser fasciner, endormir par l'image, mais au contraire, lire sa richesse dans un esprit critique. La voix de Roland Barthes en 1968, en novembre 1968, c'était l'ère des communications de masse sur France Culture. Un commentaire, Nicolas Gauvry et Gérald Brunet, parce qu'on pourrait exactement reprendre les propos de Barthes aujourd'hui. Hein. Oui, ça colle parfaitement, non ? Sauf que le problème, c'est qu'il évoque la polysémie de l'image et qu'il s'agit de décrypter. Il a raison en ce sens, mais si on accepte la polysémie d'un symbole ou d'une image, ça veut dire aussi la possibilité de faire une narration différenciée qui nous arrange en quelque sorte. Et c'est la porte ouverte au confort que représente la croyance, comme il a été dit tout à l'heure par Nicolas Gauvry. Le problème, c'est que le réel est un os et la croyance, n'est-ce pas, est beaucoup plus plastique. Alors, je pense qu'il faut aller même en deçà, encore une fois, de simplement l'analyse de la symbolique ou de la sémiotique ou des choses de ce genre-là. Nicolas Gauvry, sur l'interprétation des images, justement, est-ce qu'on peut leur faire dire Oui, moi, je pensais, en l'écoutant, là, je pensais que la même chose est vraie pour les récits et que même dans le cas, là, on parle de fake news, mais même si on ne parle pas de fake news, c'est-à-dire même quand on parle de récits réels, on peut faire dire à une histoire qui ne ment pas quelque chose de faux. Donc ça, il y a aussi ça. Mais je crois que là, ce dont on parle va plus loin que ça, puisqu'en fait, on est plus dans l'ère du mensonge que dans l'ère simplement du doute ou de la... Ouais. Ou de la polysémie, simplement. Nicolas nous dit sur le site de l'émission, certaines personnes sont très véhémentes dans leurs discours sur diverses théories du complot, parfois totalement absurdes, mais il est très difficile de discuter avec elles. Est-ce qu'il est encore possible, justement, de débattre dans ces situations, ou faut-il laisser les gens se faire eux-mêmes une raison? Alors, Gérald Brunner. Bon, là aussi, c'est peut-être l'optimiste qui parle en moi, mais moi, je pense que tant qu'il y a de l'humain, il y a de l'espoir. Et s'il y a bien un message au-delà de la simple approche scientifique de la question du rationalisme, s'il y a bien un message que porte le rationalisme, c'est l'universalisme. Mmh. C'est-à-dire, faut pas oublier que nous misons, en fait, sur, en réalité, une commune intelligence, même si nous ne sommes pas tous aussi intelligents les uns que les autres, bien entendu. Mais ce qu'il y a de fascinant dans l'erreur et dans la question des biais cognitifs, par exemple, c'est l'invariance de notre pensée. Et cette invariance, évidemment, elle a des côtés désagréables, mais aussi, elle peut nous rendre optimistes parce qu'elle nous rappelle notre commune nature humaine, n'est-ce pas ? Et pour cette raison, je pense qu'il ne faut jamais désespérer d'un cerveau, même quand il est allé très loin dans l'endossement des croyances. Ouais. Il y a d'autres messages. Hein. Marjorie nous dit « Avoir trop d'esprit critique est aussi problématique. Personnellement, je vois tout de suite ce qui ne va pas dans les idées qui me sont proposées. Ça aide à identifier les fake news, mais cela entraîne une attitude de méfiance généralisée, pas très favorable au bien-être. Nicolas Gauvry. Ah, ben, l'esprit critique, c'est un art. C'est pas la même chose que le scepticisme. Et c'est pour ça que c'est délicat aussi d'enseigner l'esprit critique, parce qu'on veut pas faire des élèves qui vont douter d'absolument tout et n'avoir confiance en rien du tout. C'est vraiment, quand on parle de l'art du doute, on voit qu'il faut être dans un juste milieu. Même quand on parle des théories du complot, évidemment, on aimerait bien qu'il n'y ait pas trop de théories du complot. On n'a pas envie d'avoir des gens complètement naïfs qui pensent qu'il n'y a jamais eu de complot et qu'il n'y en aura jamais non plus. Donc à chaque fois, c'est une histoire de dosage qui est un peu délicat. C'est pour ça que c'est un art et pas quelque chose de... Il n'y a pas d'excès. Mais effectivement, c'est un risque auquel on a pensé que si on montrait trop aux élèves à quel point on pouvait les manipuler, qu'ils commencent à ne plus croire à rien du tout. Et le risque, quand on ne croit plus rien du tout, c'est qu'on se réfugie dans les choses les plus primitives qu'il y a. C'est on va croire ses amis très proches parce qu'eux, on a confiance. Ouais. Et en réalité, il faut savoir ajuster sa confiance un peu autrement, de manière plus rationnelle. Ouais. C'est un petit peu le problème, Gérald Bonheur, aujourd'hui, dans cette démocratie, finalement, où tout le monde a la parole, tout le monde peut s'exprimer. Donc, évidemment, c'est très bien parce que le partage de cette parole, il existe. Mais en même temps, qui croire aujourd'hui on ne peut qui entendre C'est sûr, on ne peut que s'en réjouir que de cette démocratisation de la parole. Le problème, c'est que tout le monde ne parle pas de la même voix et aussi souvent. Donc c'est une démocratie où certains votent beaucoup plus que les autres. Et il y a donc une asymétrie de la visibilité des points de vue. Et cette asymétrie, elle sert quand même assez statistiquement plutôt les croyants, c'est-à-dire des individus qui ont un rapport inconditionnel et ils ont le droit de s'exprimer, encore une fois. Et donc cette situation s'explique en partie aussi par l'apathie des gens de raison. Et c'est pourquoi nous en appelons un peu au rationalisme, c'est-à-dire au réveil finalement citoyen, le fait d'aller occuper un peu les réseaux sociaux avec ses propres compétences pour débattre un peu pied à pied. Alors on ne va pas convaincre forcément la personne qui est en face de nous, mais on va rendre disponible des arguments qui vont pouvoir toucher des gens qui sont indécis sur des questions qui sont parfois complexes. Ouais, Nicolas nous dit, pour l'éducation à l'esprit critique, faut-il apprendre aux écoliers à critiquer les enseignements de leurs professeurs? Parce que justement, c'est la grande crainte des enseignants. Ben oui, c'est ça. Évidemment. Ben, ça va devenir compliqué là. Oui, il faut. Il y a un thème qui revient dans notre projet de recherche. Gérald a cité la fondation La Main à la Pâte, qui est partie prenante de ce projet et qui réfléchit beaucoup là à la théorie qu'il y a derrière l'esprit critique. Ouais. Et quelque chose qui ressort beaucoup en ce moment de leur réflexion, c'est l'idée de la confiance, parce que tout ce qu'on sait, on le sait parce qu'on a fait confiance à quelqu'un à un moment. Et donc, ce qui émerge là, c'est que peut-être que apprendre l'esprit critique, ça passe aussi et surtout par apprendre à donner sa confiance à bon escient, aux bonnes personnes, à bien régler ça. Donc on peut espérer quand même que les élèves vont réussir à accorder leur confiance a priori à l'enseignant dans une assez grande mesure, et pas commencer à douter de tous les enseignements. Ouais. Gérald Bonheur, il y a du boulot quand même. Oui, mais c'est quand même un danger qu'il faut pointer de l'éducation à l'esprit critique qui serait pas justement relativement méthodique. Parce qu'en effet, ce qu'on voit surtout, c'est par exemple le fait de critiquer des textes officiels pour voir la vérité en deçà du texte officiel, le fait de critiquer éventuellement la forme de l'autorité, alors que toute transmission de la connaissance, l'éducation, c'est quand même une asymétrie entre quelqu'un qui sait a priori et quelqu'un qui ne sait pas encore. Mmh. Donc on ne peut pas nier cette asymétrie. Et c'est pour ça que il faut faire, c'est un peu de la, comment dirais-je, un peu de la dynamite cette question. C'est pour ça qu'il faut l'encadrer véritablement scientifiquement pour ne pas faire plus de mal que de bien. Je crois, encore une fois, qu'on se préserve de ces risques si on va au cœur du problème, c'est-à-dire si on analyse les modes de raisonnement fautif, par exemple. Il n'y a aucun problème si vous enseignez à vos jeunes esprits qu'il ne faut pas systématiquement confondre une corrélation et une causalité. Ouais, ce n'est pas parce que deux événements arrivent ensemble que l'un causait l'autre. Alors donnez-nous un exemple, parce que ça c'est absolument fondamental en science en particulier, la cause et la causalité. Alors pour l'expliquer pédagogiquement, notre cerveau a tendance à nous souffler à l'oreille en quelque sorte que lorsque deux événements surviennent ensemble, c'est que l'un à générer l'autre, causalement. Alors c'est un réflexe qui n'est pas forcément faux, d'ailleurs c'est même statistiquement plutôt vrai, et c'est pour ça qu'il est profondément implémenté dans notre cerveau. Mais et on en trouve, c'est ce qui est intéressant. Vous citez un exemple avec des cigognes, je crois. Oui, on peut enseigner ça aussi bien en histoire qu'en physique, qu'en mathématiques. Mmh. L'exemple évidemment très connu est celui du fait que notamment dans le nord-est de la France, plus on observe de cigognes, plus il y a de bébés. Donc voilà, il y a une corrélation. Évidemment, votre cerveau vous fait sourire parce que vous dites « Non, mais je sais bien que ce ne sont pas les cigognes qui apportent les bébés. » Et donc là, vous êtes relativement vigilant. Mais vous y avez pensé, ce qui prouve qu'il y a l'existence de cette confusion. Alors, l'explication, il faut quand même la donner pour les auditeurs. C'est qu'en fait, plus il y a de bébés dans une ville, généralement, plus il y a de surface immobilière, on construit des maisons, etc. Ce qui augmente la surface des toits, ce qui augmente la possibilité de nidification pour les cigognes. Donc, c'est aussi simple que ça. Oui, enfin, à peu près. Ce ce qui est amusant de cet exemple, c'est qu'on voit bien évidemment l'existence de ce biais, de cette suggestion et de notre baisse de vigilance potentielle. Ouais. Là, ça fonctionne pas parce que ça nous fait rire, mais le problème, c'est que les propositions là dans la vie de tous les jours, eh bien, n'aiguisent pas toujours notre vigilance. Et dans le fond, l'esprit critique, c'est seulement ça, c'est aiguiser notre vigilance, pardon, pour détecter ces camouflages que sont les biais cognitifs. Ouais, Nicolas Gory, ça c'est absolument fondamental. Hein. Ah oui, ça c'est vraiment un biais très très important, je pense. Corrélation et causalité. Pour prendre un exemple où on se fait plus facilement avoir et où je me suis fait avoir, d'ailleurs, ouais. bien que j'enseigne, hein, j'explique souvent qu'il ne faut pas confondre corrélation et causalité, puis des fois on tombe quand même dans le piège. Je ne sais pas si j'ai pas la réponse finale, hein, donc je ne sais pas s'il y a une causalité ou pas, mais j'avais eu une très intéressante conférence de quelqu'un qui expliquait qu'ils avaient fait une très grande expérience longitudinale pour savoir ce qui rendait les gens heureux. Mmh. Voilà. Et ils sont aperçus que plus on avait d'amis proches, on était vraiment proches, et plus on avait de liens familiaux, plus on était heureux. Ils disaient, voilà, à la fin de la conférence, ils disaient, donc vous voyez, maintenant vous savez ce qu'il faut faire pour être heureux. Il faut cultiver l'amitié et puis les liens familiaux. C'était très touchant. Tout le monde pleurait dans la salle. Et puis, on a envie d'y croire, oui. Et puis après, il faut réfléchir un peu pour se dire, mais en fait, ça c'est une corrélation. Ça veut dire, les gens qui ont plus d'amis et plus de liens familiaux sont plus heureux. Mais ça pourrait très bien être dans l'autre sens, en fait. Et peut-être que quand on est heureux, c'est facile de se faire des amis. Et quand on est déprimé, parce qu'on n'a pas d'amis, par exemple, ben, en plus, ça devient plus difficile d'en avoir. Mais voilà, c'est un réflexe qu'on a. Mais qui est très utile parce qu'on a un cerveau qui est fait pour prédire l'avenir, en fait. Ouais. Et donc on essaye de détecter des structures dans le monde. Et dès qu'on voit, comme disait Gérald, deux événements qui se suivent, c'est pratique de les repérer tout de suite pour se dire que la prochaine fois que le premier arrive, probablement le deuxième arrivera aussi. Oui, et donc on a détecté plus de 150 biais cognitifs, donc vous imaginez l'empire de l'erreur possible. Là aussi, ouais. Il y a du boulot, en effet. Ouais. Allez, on se retrouve dans un instant, dernier quart d'heure sur l'esprit critique et beaucoup de messages pour vous sur franceinter.fr. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as pleuré. C'est encore lui qui récidive. T'as rien mangé depuis jeudi. Ce que t'as changé, ma petite bri-bri. Oublie-le vite, oublie ce type. Viens, goûte mes frites. T'as vu ce veau? Qu'est-ce qui t'a pris? Avec Véro, on te l'avait dit. Une cigarette de Pépito, tu t'es retrouvé sur son frigo. Oublie-le vite, oublie ce type. Viens, goûte mes frites. T'étais si drôle, t'en souviens-tu? Avant qu'il te colle toujours au cul. Moi j'en ai marre de te voir souffrir pour ce ringard en gilet de cuir. Oublie-le vite, oublie ce type. Viens, goûte mes frites. Mes frites. Voilà, on adore cette chanson de 1996, Goûte mes frites, et c'était Valérie Lemercier. La tête au carré. Sur France Inter. Allez, l'esprit critique avec mes invités Nicolas Gauvry, avec ce livre Des têtes bien faites au puf avec Sylvain Delouvet, Défense de l'esprit critique, et puis Gérald Bronner, Déchéance de rationalité, les tribulations d'un homme de progrès dans un monde devenu fou, c'est chez Grasset. Les messages des auditeurs, Julien nous dit, vous parlez beaucoup de théorie du complot, dans un esprit scientifique, pourriez-vous nous en donner une définition? Alors, qui veut s'y coller, Nicolas Gauvry? Ah, je peux commencer, mais tu... Je contrôle ce que tu dis. Deux voix. Juste, oui, il y a une erreur très fréquente, quelque chose qui revient tout le temps avec théorie du complot, c'est que quand les chercheurs parlent d'une théorie du complot, ils veulent pas vraiment dire une théorie du complot, ils veulent dire une hypothèse de complot qui n'a pas de base rationnelle. Parce que voilà, et ça, je pense que vraiment c'est le truc à noter, parce que souvent des gens nous disent mais pourquoi vous êtes contre les théories du complot? Il y a des complots qui sont découverts et vous voudriez que malgré ça on n'y croit pas. En réalité, quand on parle de théorie du complot, c'est vraiment uniquement dans le cas où il n'y a pas d'éléments qui vont dans le sens d'un complot. Mais évidemment, on nie pas l'existence de complots et certains révélés. Donc ça, c'était la première partie de votre définition. La seconde par Gérald Bronner. Gérald va finir. L'hypothèse du complot, du coup, je suis prudent dans mon énonciation, c'est l'idée qu'un fait, par exemple historique ou d'actualité, un attentat, a été produit par des causes qui ne sont pas dites dans la version officielle, mais qui sont le résultat d'une coordination malveillante d'un groupe plus ou moins secret. Mmh. C'est ça, en fait, la théorie ou l'hypothèse du complot. On va en écouter une illustration avec les gilets jaunes, le complot et l'attentat de Strasbourg en décembre dernier. C'est la faute au gouvernement, ils les laissent dehors et les comme chaque matin, ces gilets jaunes commentent l'actualité. Leur source, différentes pages Facebook de leur mouvement. Il faut bien que le mec qui veut faire un attentat vraiment, il n'attend pas qu'il y ait trois personnes dans une rue le soir à 20h. Pour certains leaders, derrière l'acte terroriste de Strasbourg se cacherait la main de l'État. Une attaque pour détourner l'attention de l'opinion. Devant notre caméra, ils se disent tous opposés à cette thèse complotiste. Chacun pense ce qu'il veut, hein, mais lui, il est en train de discréditer le mouvement des Gilets jaunes, c'est pas bon ça. Une théorie du complot qui a fait réagir dès hier jusque dans les rangs de l'Assemblée nationale. Dans le confort indécent de leur anonymat sur les réseaux sociaux, derrière un écran de smartphone ou derrière un clavier d'ordinateur, nous devons le dire, cela font preuve d'indignité. Pour ce sémiologue, c'est la communication des gilets jaunes sur des groupes fermés Facebook qui favorise les rumeurs. Ces groupes facilitent l'accord, c'est-à-dire que ça laisse très peu de place au désaccord, donc ça enfle. Il y a une personne qui dit c'est bizarre, il y a une contradiction, une deuxième qui dit ouais, moi aussi je trouve ça bizarre, et puis ça fait boule de neige. Voilà un commentaire, Gérald Bronner, puisqu'il y a aussi effectivement tout cet enfermement de la pensée. Hein, quand on reste entre soi, dans un groupe d'amis par exemple, ça c'est un des risques aussi pour l'esprit critique, non? Ou c'est une des conditions de la polarisation évidemment, le fait d'être dans un groupe fermé, ce qu'on appelle une chambre d'écho. Là on a quand même une théorie du complot tout à fait classique qui relève de ce qu'on appelle le qui prodest ou le qui bono, à qui profite le crime, voilà un réflexe par exemple mental qu'il faut sans doute analyser avec beaucoup de pensée critique. C'est pas parce qu'un événement profite par exemple au gouvernement en termes de détournement d'attention qu'il a produit cet événement. Et ça s'apprend, par exemple, par la pensée critique, à se méfier de cette proposition. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas l'endosser, mais ça va augmenter notre vigilance. Ouais. Nicolas Gauvry, les biais de raisonnement, alors, puisqu'on est en train d'en parler justement, est-ce qu'on peut en donner un ou deux pour expliquer comment ça fonctionne? Parce que c'est vraiment passionnant de voir la mécanique. Hein. Alors, à part l'erreur de la confusion entre corrélation et causalité, je crois que le plus cité, parce qu'il est vraiment fondamental et qui doit... Je pense qu'il a été démultiplié avec les possibilités des réseaux sociaux. C'est le biais de confirmation dont on parle tout le temps. Voilà. Le biais de confirmation, c'est notre tendance à, quand on a une hypothèse ou une croyance, à aller chercher qu'elle est vraie au lieu d'aller chercher si elle est vraie. Donc quelque chose qui la confirme, finalement, qui confirme nos pensées, nos croyances. Voilà. On cherche à confirmer nos croyances et pas à les infirmer. Et alors l'effet d'Internet, la multiplication des sources d'informations. Ça n'a pas été évidemment de créer ce biais de confirmation qui était déjà là avant, mais une image que je prends parfois, c'est pour montrer en quoi la massification des informations peut multiplier les effets du biais de confirmation. On peut imaginer quelqu'un qui croit, par exemple, que les vaccins c'est dangereux et qui est dans une petite bibliothèque où il y a 5 livres sur les vaccins, qui représente, on va dire, à peu près ce que pensent les gens dans le monde. Mmh. Il va trouver un livre qui va dans son sens et 4 qui vont dans le sens inverse. Bon, peut-être que s'il veut vraiment chercher, même si, malgré le biais de confirmation, peut-être qu'il va finir par douter un peu de ce qu'il pense. Par contre, si on multiplie la bibliothèque par 1000 et que maintenant il y a 5000 livres sur les vaccins, ça en fait 1000 qui vont dans son sens, et lui il privilégie cela. Oui. Finalement, à la fin de sa vie, il aura lu que des livres qui vont dans son sens. C'est un peu ce qui se passe, je pense, sur Internet, avec en plus les bulles, les chambres d'écho ou les bulles, on appelle ça indifféremment l'un ou l'autre, qui font qu'on est beaucoup plus confronté. Voilà, on organise en fait tout un monde où on est confronté uniquement à des choses qui vont dans notre sens. Mais ça, c'est quoi? C'est la paresse du cerveau, finalement? Ben, la paresse, je sais pas. C'est des fois, on dit que c'est un bug. D'un autre côté, il y a pas mal d'arguments parfois pour dire que même quand on a des illusions comme ça, c'est quand même ce qu'on peut faire de mieux avec nos possibilités, disons. Donc, je sais pas si on peut vraiment appeler ça une faille. Peut-être qu'il serait pas possible, avec la puissance d'un cerveau, de faire mieux que ça. Mais effectivement, c'est problématique quand même. Ouais, Gérald Brunner. Non, c'est tout le mystère de l'origine de ces biais. D'où nous viennent-ils? Certains, en effet, défendent l'idée qu'il y a eu un intérêt sélectionniste il y a fort longtemps, et que, par exemple, la multiplication des faibles probabilités, c'est un autre biais. Nous surestimons les faibles probabilités, a pu être utile en un temps où nous vivions dans un environnement hostile, qui valait mieux prévenir que guérir. Et puis, c'est devenu encombrant dans un univers où le risque est un bon produit, je dirais, pour se vendre sur ce marché de l'information. Puis, il y a une autre théorie, qui n'est pas d'ailleurs complètement contradictoire, qui dit que la fréquentation, tout simplement, dès le plus jeune âge, des phénomènes physiques de régularité dans le monde, bien inscrit en nous de fausses lois, comme la confusion entre corrélation et causalité. Sabine nous demande d'expliquer, vous demande d'expliquer le phénomène de dissonance cognitive, justement, dans les croyances religieuses et politiques, mais pas seulement, parce qu'il y a plein de domaines où ça s'applique. Nicolas Gauvry. Alors, la dissonance cognitive... Comment ça peut s'appliquer, justement? Donnez-nous une illustration. Une très ancienne enquête qui, je crois, a donné lieu à la définition de la dissonance cognitive au départ, se passait dans une secte avec un ensemble de personnes qui étaient persuadées que des extraterrestres allaient venir les sauver et que ce serait la fin du monde très bientôt. Mmh. Et plus ça avançait, évidemment, plus ils avaient de preuves que ça fonctionnait pas, puisque les extraterrestres sont jamais venus, à ma connaissance. Alors, parfois, le gourou disait, non, mais là, ils sont pas venus, mais c'est parce qu'ils ont retardé un petit peu, ils viendront plus tard. Et ce qui est observé, qui est assez étrange, c'est que pour certains membres de la secte, en fait, à chaque fois qu'ils étaient confrontés à des preuves qu'ils avaient tort, en fait, ça les renforçait dans leurs croyances. Voilà. Et l'explication, c'était que avoir des preuves contraires à ses croyances, ça crée un état de dissonance cognitive. Mm-hmm. C'est là le mot, c'est-à-dire d'inconfort, parce qu'on a, en fait, des informations contradictoires. Et pour résoudre ça, on va privilégier l'une des deux en la renforçant pour annuler l'autre, plus ou moins. Voilà. Et en l'occurrence, ça devait être moins inconfortable de renforcer sa croyance, par exemple, parce qu'on a beaucoup investi dedans, et ça veut dire que si finalement on se dit « Ah ben non, je m'étais trompé », ça veut dire qu'on est vraiment ridicule depuis 2 ans. Et donc c'est moins inconfortable de se dire « Non, je me suis pas trompé, ils vont venir la semaine prochaine ». Gérald Brunner. Oui, mais c'est amusant parce que c'est exactement un des exemples nombreux dont je me suis servi avec ces jeunes du centre de Pontourny, précisément. Je les ai confrontés dans un jeu de rôle à cette situation. Il y a une date d'apocalypse qui est donnée, et puis l'apocalypse ne vient pas. À votre avis, qu'est-ce que vous feriez? Et ces jeunes étaient tout à fait en capacité de comprendre qu'ils n'abandonneraient pas pour autant leurs croyances, n'est-ce pas? Ils trouvaient justement, ils se servaient de la plasticité, en l'occurrence dans le cas de Festinger. Vous savez, c'est ça, l'histoire est assez drôle. Donc dans ce livre, L'échec d'une prophétie, que Nicolas Gauvry évoquait, c'est que les gens ont fini par se persuader qu'ils avaient prié tellement fort qu'ils avaient sauvé le monde, et que c'était pour ça que l'apocalypse n'était pas survenue. C'est quand même assez piquant comme explication. Ouais. Christian nous dit, le phénomène des fake news n'est pas nouveau. La plus grosse n'est-elle pas celle de la résurrection de Jésus-Christ? J'aimerais un commentaire de votre part. Mais bien sûr, l'Internet n'a rien inventé, simplement il amplifie un certain nombre de pentes, disons, de l'esprit. Je pense qu'on est tout à fait d'accord là-dessus. Bon, maintenant il faut s'attaquer à l'éducation, effectivement, et il y a un gros chantier dans ce domaine à faire. Et puis la société est très demandeuse aussi, finalement, de cela. Toutes les conditions sont réunies pour opérer cette révolution pédagogique. Maintenant, il faut qu'au sommet de l'État, on prenne les bonnes décisions. Ouais, et c'est le bazar, vous l'expliquez dans votre ouvrage, pour s'organiser dans les différents ministères, c'est le bordel. C'est le bazar, en effet. Pour essayer de prendre ça en main. Nicolas Gauvry, donc la science a des choses à nous apporter aussi dans ce domaine. Ah ben oui, j'espère bien. Oui. Il faut poursuivre les travaux sur la question. On peut lire Des têtes bien faites, c'est un collectif avec la défense de l'esprit critique, c'est au PUF, et Gérald Brunner, Déchéance de rationalité, paraît chez Grasset. Merci beaucoup à tous les deux, on prolongera évidemment les émissions sur le sujet.